Chapitre 9e. Tourment. Nos voyageurs s'arrêtèrent à X, Madame Charlton étant trop fatiguée pour pouvoir aller plus loin sans se reposer. Quoique l'empressement que Cécile avait de joindre Delville assez tôt pour s'expliquer avec lui, lui fit regretter tous les moments qu'elle perdait en route. Elles étaient prêtes à remonter en voiture lorsqu'elles furent aperçues par M. Maurice qui descendait de cheval au même instant. Il se félicita du bonheur qu'il avait de les rencontrer, comme un homme persuadé qu'on était aussi fort aise de le voir, et se mit tout de suite à parler de la maison de M. Monckton. « Ils ont eu toutes les peines du monde à me laisser partir. Mon ami Monckton ne saurait se passer de moi. « Oh, j'en suis persuadé, » dit Cécile. Elle commanda au postillon d'avancer, mais avant leur arrivée à la première poste, Maurice les joignit et se plaça à côté de leur voiture, les priant de remarquer combien il avait fait de diligence pour avoir l'avantage de les escorter. Cet empressement de sa part déplut beaucoup à Madame Charlton, accoutumée à recevoir de tout ce qui l'entourait des marques de déférence et de respect. Mais Cécile, ne pensant qu'à hâter son voyage, était indifférente pour tout ce qui ne la retardait pas. Ils changèrent encore les uns et les autres de chevaux à la même auberge. Il continua toujours à marcher à côté de leur voiture et à les entretenir jusqu'au moment où, se trouvant à une vingtaine de milles de Londres, sa curiosité fut excitée par le désordre et la confusion qu'il crut apercevoir sur le grand chemin. Il partit en diligence pour connaître la cause. En approchant du lieu de la scène, il vit nombre de gens à cheval, escortant une chaise qui venait de verser. Et lorsque cet embarras eut obligé le postillon d'arrêter, Cécile entendit la voix de Mademoiselle Larolle, et la crainte d'être découverte et retardée lui fit ordonner au cocher d'avancer le plus qu'il pourrait. Celui-ci se préparait à lui obéir, mais Maurice, galopant après elle, leur cria « Miss Beverley, une des dames dont la voiture vient de verser est de votre connaissance. Je me souviens de l'avoir vue avec vous chez Madame Harrell. » « Réellement ?» repartit Cécile un peu déconcertée. « Je me flatte qu'elle n'est point blessée. Non, point du tout. Mais la dame qui est avec elle est abîmée. Ne voulez-vous pas les voir ?»« Je suis actuellement trop pressée. Je ne saurais leur être d'aucun secours. » »« Mais Madame Charlton voudra bien, j'espère, leur prêter son laquais, au cas qu'il puisse leur être utile. » »« La jeune dame souhaite vous parler. Elle vient pour vous joindre et marche le plus vite qu'elle peut. » Eh, comment m'aurait-elle reconnu ? S'écria Cécile, étonnée. Je suis sûr qu'il lui a été impossible de me voir. Oh, je vous ai nommé, répondit Maurice d'un air de satisfaction. Je lui ai appris que c'était vous et que j'étais sûr de vous rattraper bientôt. Il aurait été inutile de lui témoigner du mécontentement de son trop de zèle, car, en regardant à travers la portière, elle aperçut Mademoiselle Larolle, suivie d'une partie de sa compagnie qui n'était plus qu'à 3 pas de la voiture. « Oh, ma chère amie, s'écria-t-elle, le terrible accident. Je vous assure que je suis horriblement effrayée. Vous ne sauriez vous en former l'idée. Il est bien heureux pour moi que vous trouviez faire la même route. Jamais il n'est rien arrivé de si piquant. Vous ne pouvez vous représenter la chute que nous avons faite. Comment vous êtes-vous portée? Et qu'êtes-vous devenue depuis que je ne vous ai vue? Je ne saurais vous exprimer combien je suis enchantée de vous retrouver. » Cécile, aussi surprise que mortifiée d'une pareille rencontre, surtout dans une circonstance où elle cherchait à être inconnue, avait jusqu'alors gardé le silence. Mais reprenant un peu ses esprits, elle fit ses excuses à Mademoiselle Harrell et aux personnes qui l'accompagnaient de ce qu'elle ne resterait pas plus longtemps avec elle, des affaires très instantes l'obligeant de se rendre en diligence à Londres. Cependant, Madame Charlton, toujours compatissante et prête à obliger ceux qui paraissaient être dans l'embarras, ayant appris par M. Maurice qu'une de ces dames avait beaucoup souffert dans sa chute, voulait s'arrêter pour lui donner quelques secours, et lui offrait même sa voiture. Cette bonté d'âme à laquelle Cécile aurait applaudi dans toute autre circonstance était pour elle dans ce moment un contretemps qui la tourmentait. Elle fit sentir à Madame Charlton la nécessité indispensable d'être arrivée à Londres le soir même. Ainsi s'achève le livre 7e de Cécilia, Mémoire d'une héritière, par Fanny Burnet.